Chapitre 9. Autre reconnaissance du corps exempt de corruption et bref procès d'enquête sur les miracles. Le concours des fidèles au tombeau de la bienheureuse Germaine augmentant tous les jours, ainsi que le bruit des nombreux prodiges qu'elle opérait, les archevêques de Toulouse, et spécialement Mgr de Carbon et Mgr de Colbert, qui dans l'année 1698 visita en personne la paroisse de Pibrac, ne manquèrent pas de prendre les dispositions nécessaires pour dresser des procès d'enquête sur la vie, les vertus et les miracles de la servante de Dieu. De plus, la commune de Pibrac, réunie en conseil, nomma à cet effet pour son représentant M. Jacques de Lespinasse, qui avait été avocat au Parlement de Toulouse et qui était pour lors syndic du village. Celui-ci sollicita avec beaucoup de zèle la venue du révérend père Joseph Morel, prêtre de l'oratoire et vicaire général de l'archevêque, qui, en qualité de juge délégué dans cette cause, se rendit à la paroisse de Pibrac le 5 janvier 1700. À peine connut-on son arrivée et le motif de son voyage, qu'on vit accourir à l'église, même des pays circonvoisins, une grande foule de peuple. L'affluence fut telle que dans la première matinée, le vicaire général donna de sa propre main la communion à plus de 500 personnes. Entre autres témoins vinrent pour déposer Françoise Pérez et Pierre Fougas, qui, dans l'année 1644, s'étaient trouvés présents lorsque, pour la première fois, on avait constaté que le corps de la bienheureuse Germaine était demeuré intact et sans corruption. On procéda ensuite à une nouvelle reconnaissance du Saint-Corps, qui fut trouvé dans les mêmes conditions et dans le même état qu'on le lisait décrit dans les actes authentiques dressés antérieurement, en 1661, par le vicaire général Jean Dufour, ainsi que nous l'avons rapporté ci-dessus. Quand on eut constaté l'identité du corps, le sage vicaire général commit deux habiles chirurgiens qui, après avoir examiné avec soin toutes choses selon les règles de l'art, déclarèrent par écrit et sous la foi du serment leur opinion affirmative touchant l'incorruption du corps de la bienheureuse. Et tous deux, d'après leurs considérants et observations, attestèrent dans leurs actes qu'ils n'avaient pu apercevoir aucun indice d'embaumement, qu'il était certain au contraire que ce cadavre n'avait jamais été embaumé, et de là que le fait de s'être conservé jusqu'alors sans altération, principalement au regard de certaines parties plus sujettes à la corruption, comme les oreilles et la langue, ne pouvait être attribué à une cause naturelle. En conséquence, que la seule disposition et volonté de la divine providence avait pu opérer ce véritable prodige, d'autant plus évident que la qualité du terrain et les conditions du site ont été restées enterrées pendant 43 ans, le corps de la servante de Dieu sans aucun préservatif, était plus contraire à l'incorruptibilité. Après cela, on en vint à l'examen des miracles. Mais il se présenta alors un si grand nombre de personnes pour déposer, soit sur des faits propres, soit comme témoins oculaires, que, pour ne pas allonger démesurément la procédure, il fallut en choisir un petit nombre, réservant les autres à un autre temps. De ces miracles, nous en avons rapporté quelques-uns dans une histoire plus étendue, à laquelle nous renvoyons les lecteurs.